l'obligation du port de la ceinture de sécurité est-elle une atteinte à ma liberté ? En juillet 1973, la France a été le premier pays européen à imposer la ceinture de sécurité à l'avant des voitures hors du périmètre urbain. La mesure a été étendue aux agglomérations en 1979. En janvier 1990, le port de la ceinture est devenu obligatoire à l'arrière et en 2003, la mesure a été étendue aux transports en commun. Dans les années 70, beaucoup de Français avouaient leur scepticisme quant à l'utilité de cette mesure. Les protestataires mettaient déjà en avant la question des libertés individuelles. Jusqu'à quel point l'État a-t-il le droit d'intervenir pour me protéger, fût-ce contre moi-même ? Se demandait un lecteur du quotidien Ouest-France. Et il ajoutait « Si je préfère le risque, d'ailleurs discuté, de me passer de ceinture à la gêne physique et morale qu'elle me cause, pourquoi ne me laisserait-on pas libre à mes risques et périls ?» Comme cela a souvent été le cas dans l'histoire, lorsqu'une décision politique est impopulaire, on voit aussitôt surgir des inconnus qui s'érigent en porte-parole des mécontents. Celui qui s'imposa comme l'ennemi juré de la ceinture de sécurité s'appelait Jérôme Spiquet, un musicologue de profession qui s'improvisa expert en sécurité routière. Dans un pamphlet de 90 pages publié en 1975, il alerta l'opinion en s'appuyant sur un fait divers dramatique. Un automobiliste avait péri, coincé dans sa voiture en feu, sans possibilité de détacher sa ceinture. Jérôme Spiquet en tira la conclusion que la ceinture allait tuer de plus en plus. « Tant que l'obligation ne sera pas rapportée, affirma-t-il, chaque mort due à la ceinture pourra être considérée comme la victime d'un véritable assassinat légal. Il faut rendre à chacun la liberté de boucler ou non sa ceinture. » Après la publication des statistiques démontrant les effets positifs du port de la ceinture pour la sécurité des conducteurs, le même individu revint à la charge dans un article publié par Le Monde le 19 janvier 1978. Il reprit à son compte les chiffres de la sécurité routière sur les accidents de la route pour leur faire dire le contraire des conclusions officielles. Considérant que ses propres chiffres étaient des réalités indiscutables, que je défie qui que ce soit de contester, il accusa les experts officiels de défendre l'obligation de la ceinture, soit par ignorance, soit pour des mobiles sans aucun rapport avec la prétendue sécurité des automobilistes. On retrouve ici des arguments qu'avancent souvent aujourd'hui ceux qui refusent le pass sanitaire, comme l'atteinte aux libertés individuelles et l'incompétence des experts, soupçonnés de défendre des intérêts cachés, la fameuse théorie du complot. Si le port de la ceinture a cessé d'être contesté, c'est pour trois sortes de raisons étroitement imbriquées. La première, ce sont les statistiques officielles, comme celles de l'Organisation mondiale de la santé, qui montre qu'en cas d'accident, le port de la ceinture de sécurité réduit le risque de décès de 40 à 65% pour les passagers assis à l'avant. La seconde raison, c'est la crainte de l'amende que devra payer tout automobiliste verbalisé pour ne pas l'avoir bouclé. La troisième raison, c'est que les êtres humains finissent par intérioriser les gestes qu'ils effectuaient au départ par contrainte, au point qu'ils ne se rendent même plus compte qu'ils les font.